BLP Radio. Une autre oreille, une autre musique. Ne vous est-il jamais arrivé un soir où vous étiez seul? Un soir où vous avez l'irrésistible envie de vous barricader? Mais où ça? Là. Là, vite. Dans la salle de bain. Oui, là. Vite. Vite. Pas un bruit. Il pourrait vous repérer. Chérie, c'est moi. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Il y a comme un parfum de vacances ce soir. C'est Rock'n'Roll. Bienvenue. C'est le 238e numéro de Rock'n'Roll ce soir, le 38e épisode de cette saison, le dernier avant le retour au mois de septembre. À la fin de l'émission, rendez-vous compte, je vous aurai déjà diffusé 496 titres depuis le mois de septembre. On a fait la pression des pneus sur le berlingot, ma boue et canard est prête, j'ai ressorti mes tongs en croco et j'ai suffisamment de disques pour tenir jusqu'à 23h. Et puis, j'ai failli oublier, mais le PSG est tout de même champion de France de foot, et on n'a même pas fêté ça dans l'émission, alors il est temps de réparer cet outrage. Jump, jump. Petit clin d'œil à tous les supporters de l'Olympique, sorti en 1984 sur l'album 1984 ou 1984, Jump, Van Halen, Jump, qui sera le seul titre de Van Halen à se classer numéro 1 au Billboard américain. Je vous ai déjà raconté cette anecdote, mais je l'aime beaucoup. Les membres de Van Halen avaient à une époque l'habitude de demander un saladier de M&M's quand ils étaient accueillis dans une salle pour un concert, avec comme consigne de ne pas avoir de M&M's marron. Alors ça n'était pas du tout un caprice de rockstar, mais un moyen assez habile de vérifier si l'organisateur du concert avait bien pris en compte toutes leurs demandes techniques. Et dans leur fiche technique, ils demandaient également un tube de gel lubrifiant, mais là-dessus, l'histoire ne dit pas pour quel membre du groupe ce gel était destiné. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around. It's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, 'cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around. J'avais envie d'un petit Beach Boys, histoire de se mettre dans l'ambiance estivale. J'espère sincèrement que votre été sera chaud en ce qui concerne les concerts et les festivals. Soyez curieux, cherchez un peu ce qui se passe autour de chez vous. Par exemple, pas plus tard que demain soir, au Stock de Mency, le chanteur de Lofofora, d'anciens membres de Parabellum, la claviériste Léa Worms, il s'appelle Madame Robert, et si vous voulez mon avis, ça va mouiller le maillot. Avec le prix. demain la veille, tu vas larguer les amarres, Captain. C'est pas que tu fais de la peine, mais t'as vu ta dégaine avec ton bénard, ta bedaine et ta mauvaise haleine. Non, je suis pas méchant, tu sais qu'on t'aime bien quand même, alors arrête de postillonner, ouais, et paye plutôt ta tournée. Ça fait comme ça. Madame Robert, demain soir au Stock à Mency, avec à l'affiche également le groupe Barricade. Concert toujours, ça sera jeudi prochain le 30 juin à l'empreinte de Savigny-le-Temple, à voir absolument Robert John and the Wreck, Everyday. Robert John and the Wreck, jeudi prochain, le 30 juin, à l'empreinte de Savigny-le-Temple, avec en première partie Hooked on July et les Blues Makers. Dans un mois, jour pour jour, à l'hippodrome de Longchamp, le 23 juillet, après un passage à Lyon le 19, le plus grand groupe de rock'n'roll du monde, toujours en forme si on regarde les dernières vidéos qui circulent sur Internet, les Rolling Stones. Down. When the whip comes down, Extrait du dernier live des Rolling Stones qui vient de sortir après le live à El Mocambo, un live qui a pour titre Live Leaked in New York City, enregistré en janvier 2003 au Madison Square Garden. When the Whip Comes Down, un titre qui avait fait dire à Keith Richards lorsque Jagger l'avait composé, que Mick Jagger était tout de même capable d'écrire un vrai titre de rock'n'roll. Jeff Beck, il sera en concert à l'Olympia le 25 juillet. Jeff Beck qui annonce 18, un nouvel album qui sortira le 15 juillet, enregistré en collaboration avec Johnny Depp, un album sur lequel on retrouvera des compositions signées Johnny Depp, des reprises des Beach Boys, de John Lennon, de Killing Joke ou du Velvet Underground. 18, tout simplement parce que lorsque Jeff Beck et Johnny Depp ont commencé à travailler ensemble sur cet album, ils ont eu l'impression de retrouver leurs 18 ans. Et Johnny Depp est d'ailleurs invité sur cette tournée de Jeff Beck. Donc il devrait être présent sur la scène de l'Olympia le 25 juillet. Premier single extrait de cet album à venir, This is a song for Miss Eddie Lamar. Jeff Beck, Johnny Depp, rock'n'roll. Erased by the same world that made her a star. Spun out of beauty, trapped by its web. She's a perfect cocoon, entwined in gold thread. Her beauty is spectacle, her thoughts too pure. The light of her being, her exotic allure. Was torn at the seams for daring to dream. It's so hard to speak when you're frozen in. Scream. Yes, it's all what it seems. Feels like a dream. But it's life and it's death. She began and she ended like baby's breath. I don't believe. I don't believe humans anymore. I don't believe. I can't believe. Shameful, shameless, painful, painless. This song's for you, Miss Hedy Lamar. How bright your light, those lost white nights so long ago, so far away. Feels like a dream or a cosmic fiasco. I don't believe. I don't believe. I don't believe in humans anymore. Don't believe, I can't believe, I won't believe in humans anymore, not anymore. A thief is a thief. Who's gonna stand up to give you relief of all dispossessed? It's so hard to digest. You've no right to sit down if you're nobody's guest. We'll be right back.

H, pour la peur qui nous happe et qui nous enferme, le tout dans un univers musical électro-rock original et surprenant, et surtout avec des textes d'une grande qualité. Bazar Bellamy, La Peur. New and exciting. Dans ton sommeil le plus profond, tu croises tes yeux rougis. Ce qui te réveille dans un bond et te jette au sol glacé de la nuit. Et tous les rêves, les cauchemars, pris de tes seuls moments de trêve. Tes journées sont drapées de noir et ton espoir est en grève. Respirer ton seul exutoire, la routine en replay de ta vie. Tu te fuis dans des clouds illusoires, tu sais que tu n'es qu'en sursis. T'as vendu ton âme à l'ennui, quand le désir te défie. Que reste-t-il de ta furie, au vestiaire quand la fête est finie. Dans nos heures de voltige, figé dans les matins d'été. Si le ciel enfin se fige, et si le temps nous s'est compté. Dans nos heures de dérive, où est le bonheur de s'aimer. Je voulais tellement apprendre à vivre, je me suis noyé dans ma bouée. Je voulais juste poser ma tête, et m'envoler par la fenêtre. Prenez ma vie comme une allumette. Elle se glisse dans ta tête, elle s'accroche à ton âme. Et demeura de sa flamme, ne dis pas le nom de la dame. La peur est là. Des milliards de cœurs ouverts soumis à la diète, pendant qu'agonise en direct le règne animal. Sous le tic-tac inflexible du click and collect, avec comme unique issue le retour à la normale. Allons on regarde ailleurs, soi-disant c'est meilleur. Vers une autre galaxie, il dit quoi le veilleur. Allez où la sortie. Et quand l'été tuera l'hiver, qu'on vivra dans l'ordure. On regardera sous verre pousser des semis de verdure. Dans nos heures de voltige, figé dans les matins d'été. Si le ciel enfin se fige, si le temps nous s'est compté. Dans nos heures de dérive, où est le bonheur de s'aimer. Je voulais tellement apprendre à vivre, je me suis noyé dans ma bouée. Je voulais juste poser ma tête et m'envoler par la fenêtre. Bouler ma vie comme une allumette. Elle se glisse dans ta tête, elle s'accroche à ton âme et demeura de sa flamme. Ne lui dis pas le nom de la dame. La peur est là. Les regards qui se croisent et qui s'évitent. De mesures sanitaires en distance sociale. Les regards qui s'enlacent et qui prennent la fuite. Une course sans issue et pour tout dire bancale. Des lambrouillasses taillades et les veines. Des discours décousus où l'amour est anathème. Des cris perçants, les tympans perforés. De nos chefs corrompus sans le moindre remords. Et que seuls nos enfants pourront convaincre d'exploser le système. Exploser le système. Dans nos heures de voltige, figé dans les matins d'été. Si le ciel enfin se fige, si le temps nous s'est compté. Dans nos heures de dérive, où est le bonheur de s'aimer. Je voulais tellement apprendre à vivre, je me suis noyé dans ma bouée. Je voulais juste poser ma tête et m'envoler par la fenêtre. Bouler ma vie comme une allumette. Elle se glisse dans ta tête, elle s'accroche à ton âme. Et te brûlera de sa flamme. Ne lui dis pas le nom de la dame. Je me lève pendant la nuit pour voir le soleil briller. Mes enfants écoutent Booba, ils ont le droit. Y'en a qui n'aiment pas les Smiths, d'autres qui n'aiment pas la police. Faut de tout pour faire un monde, c'est politique. C'est politique. Qui seront à l'affiche de la fête de l'UMA qui se tiendra cette année non plus à la Courneuve mais sur la base 217 de Brétigny-sur-Orge les 9, 10 et 11 septembre. Les Vampas qui sont d'ailleurs en train de préparer un tout nouvel album. Comme c'est la dernière de cette saison, je vais me faire un petit plaisir avec Renaud. Je suis allé voir un très bon tribute à Renaud qui s'appelle Les Petites Frappes. S'ils passent près de chez vous, allez les voir. Un concert où ils n'ont pas repris que les morceaux forcément les plus connus et qui laisse surtout une bonne place à l'album Morgane d'Ottois qui sort en 1983. C'est d'ailleurs l'album avec lequel j'ai découvert Renaud quand j'étais tout gamin et ça faisait un paquet d'années que je n'avais pas écouté ce morceau. L'histoire d'un petit loubar sur le retour, Loulou. Tu sais que t'as un peu la gueule à James Dean, celle qu'il aurait eu s'il n'avait pas été beau. T'es bâti comme une armoire de cuisine, le cœur dans le tiroir, tout près du couteau. Lorsque je vois se pointer dans mon horizon, la carcasse immense de grands chiens paumés, qui tient v'là loulou, la fleur du baston, v'là la bête humaine, v'là l'autre allumée. Je dis salut Georges, je t'aime pas tellement ça, tu veux qu'on t'appelle de ton surnom de voyou, celui que t'as été quand t'étais moins gras, un petit peu plus jeune, et moins con surtout. Des coups quand t'étais petit, t'en as donné aussi beaucoup. Maintenant tu prends surtout du bide, tu prends des rides. Avec ton nez cassé, tu fais frime tous les mecs. Tu dis que t'as été boxeur, ça en jette. Moi je sais que ça me vient d'un accident de poussette. Je le tiens de ta petite sœur que je suis pote avec. M'a tout raconté, ta frangine Ginette, ta vie, ta jeunesse, les conneries que t'as fait. Je connais ton casier, il est pas vraiment net, mais c'est quand même pas celui d'un député. T'étais une petite frappe, t'as roulé ta bosse. Arrête-toi loulou, c'était y'a 10 piges. Entre temps t'as eu ta femme et deux gosses. Allez bois une bière et file-moi une tige. T'as pris des coups quand t'étais petit, t'en as donné aussi beaucoup. Maintenant tu prends surtout du bide, tu prends des rides. Aujourd'hui t'as pris ta gueule et elle est grande. Elle est plus aussi belle, mais ça tu t'en fous. Y'a encore des mômes qui te croient chef de bande. Encore des gonzesses qui aiment bien tes yeux de fou. Tu les baratines avec tellement de bagouche. Je te soupçonne de croire toi-même à tes conneries. Tu dis que t'as tout fait, que t'as été partout. Hey, je t'ai même pas vu et j'y étais aussi. Mais dis-moi loulou, t'as encore grossi. Ah non, c'est du muscle, excuse-moi, j'oubliais. Que tu bodybuilding avec ton pote Rocky pour garder la forme entre deux mufflés. T'as pris des coups quand t'étais petit, t'en as donné aussi beaucoup. Maintenant tu prends surtout du bide, tu prends des rides. Et des plans bidons. Allez, raconte-moi ta prochaine embrouille. Est-ce que t'as encore trouvé un pigeon, une nouvelle galère pour te remplir les fouilles? Tu cherches un bâton, rien que ça, t'as le moral pour acheter un long blue jean délavé. T'espères fourguer au plus à 100 balles. Sois sympa, loulou, mets-moi un de côté. Bon, je vois que tu commences à être allumé. Si tu veux, j'arrête de me foutre de ta gueule. Tu sais, je suis pas mieux que toi avec mes 30 balais. Toi et moi, ensemble, on est quand même seuls. T'as pris des coups quand t'étais petit, moi j'en ai pas donné beaucoup. Maintenant tu prends surtout du bide, j'en prends aussi. Un petit plaisir coupable encore avec les Greta Van Fleet qu'on suit depuis leur début dans l'émission, et j'ai voulu me replonger dans leur premier album de 2017, From the Fires, avec cette reprise du classique de Sam Cooke, Change is Gonna Come. Baby, I've been running ever since. gonna last for long. Now I think I'm able to carry on. Les Black Crowes qui ont envoyé l'ascenseur à Otis Redding pour cette reprise de Art to Handle. On n'a jamais été aussi près des vacances. C'est donc la fin de la saison pour Rock'n'Roll. On se retrouve dès le jeudi 1er septembre pour de nouvelles aventures. Toujours le jeudi soir entre 22h et 23h. D'ici là, prenez soin de vous et profitez de la vie. Un petit clin d'œil aux copains du stock à Mency avec les concerts du week-end. Madame Robert, c'est demain. Cours suprême à ne pas rater également avec leur dernier album Hot Sauce qu'on avait découvert dans l'émission, c'est samedi soir, et puis l'anniversaire des 3 ans du stock, c'est samedi prochain, le 2 juillet. Traditionnellement, on se quitte en douceur, mais je vais faire une exception puisque c'est les vacances. ACDC, For Those About To Rock, we salute you, et je vous salue bien bas, et je vous dis douce nuit à tous, rendez-vous le 1er septembre, bonnes vacances, ciao.